s'ajuster à l'esprit. Enregistrement produit lors du mois d'octobre 2025. Donc, la personne qui est pénétrée par l'énergie de l'esprit, l'énergie du supramental, bien, elle va être obligée, tôt ou tard, de s'ajuster à l'énergie de l'esprit. Parce que l'esprit va toujours revenir à la charge. Donc, c'est une vibration qui cherche à pénétrer l'individu et à le transformer. Donc, une dimension transformatrice. Et la personne qui résiste à la vibration de l'esprit va être mise en échec à différents niveaux. Donc, moi, je vois ça comme une... La personne qui vous parle voit ça comme une fatalité. Donc, si la personne résiste parce qu'elle est assujettie à de l'astral ou de l'énergie oppositionnelle, en lien avec des croyances, en lien avec des patterns de comportement et autres, l'esprit va tout le temps chercher à casser ça. Ce qui va créer de la tension, des oppositions énergétiques. L'ancien doit faire place au nouveau. L'esprit, c'est la nouveauté, c'est la créativité qui va revitaliser l'individu. Mais ça peut être dur pour l'ego de la personne concernée à intégrer cette énergie-là, ça c'est clair. L'esprit va travailler à ajuster la personne d'une manière continuelle et perpétuelle. Ça fait partie de sa nature. Puis, c'est très dur pour l'ego de réaliser que, dans le fond, il ne contrôle pas toute sa vie, il ne peut pas toute la contrôler, puis il ne la contrôlera jamais au complet. C'est pas évident. Surtout si l'ego a peur, est insécure, puis cherche à contrôler. Le point, c'est que l'esprit va chercher à mettre une fin ou à limiter dans un premier temps les dégâts liés à la programmation évolutive de l'individu dans lequel il s'inscrit. L'esprit va travailler l'individu pour qu'il arrête de perdre ou de gaspiller ses énergies. Quelqu'un de spirituel qui a le désir d'aider les autres ou de jouer au sauveur, ben, sa petite voix intérieure va lui dire qu'il n'a pas à faire ça. Puis à un moment donné, lorsque la personne va vivre le contre-coup de jouer au sauveur, puis la personne va perdre de l'argent, va être pauvre ou même endettée à trop vouloir aider les autres, ben, sa petite voix intérieure peut... revenir à la charge, puis à un moment donné, l'individu va dire « Ouais, ça m'avait dit intérieurement de ne pas aider telle personne, ça allait être une perte de temps, comme un coup d'épée dans l'eau. » Puis en effet, j'ai aidé telle personne, puis ça n'a rien servi. Puis là, ça peut dire intérieurement que pour que aider une personne soit ajustée vibratoirement dans un principe de générosité puis d'intelligence de l'esprit, il faut que ça se fasse en suivant une mise à vibration. Et que l'autre personne qui est aidée, c'est un moment clé, un moment charnière de sa vie qui est prête à recevoir cette aide-là dans une optique de changement vibratoire au second niveau. Là, ça devient subtil. Quelqu'un peut se promener sur la rue à Montréal. Je fais exprès de rouler mes airs parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent à Montréal qui vont rouler les airs. Donc, c'est un petit peu une façon humoristique de les saluer. Moi aussi, j'ai mon accent en passant québécois. Là. Il y a des gens de l'extérieur qui peuvent me regarder et trouver que j'ai un accent. Mais peu importe. Bon, admettons que quelqu'un se promène sur la rue à Montréal, il y a des itinérants. Bon, mais ça se peut qu'il y ait des itinérants que, dans certains cas, le fait de leur donner de l'argent va amener un changement au second niveau, d'autres pas. Mais si la personne donne aveuglément de l'argent à la plupart des itinérants qu'elle voit sur la rue, alors que la personne est éteinte, il n'y a pas de mise en vibration réelle derrière le geste, est en perte d'énergie. C'est ça le principe. Une personne extérieure va voir une personne qui va donner puis qui à certaines personnes puis qui ne donnera pas à d'autres, va dire ben, « Ah, il n'est pas généreux égal. » Oui, mais dans la conscience, il n'y a pas de spiritualité puis il n'y a pas de générosité égale. C'est pas... mais c'est que par rapport à ce phénomène-là, la générosité intelligente est tout le temps en relation avec le suivi d'une mise en vibration de l'esprit. Si la mise en vibration n'est pas là, ça ne sert à rien de donner de l'argent à une autre personne, même si c'est dans le besoin, de lui donner du temps pour lui parler ou l'écouter, parce qu'elle n'est pas prête à un changement. Tout a été fait mur à mur dans une optique spirituelle d'aider, de vouloir sauver les autres est une perte de temps ou d'énergie. S'ajuster à l'esprit peut être perçu extérieurement comme étant devenir quelqu'un plus égoïste ou sans cœur, mais il y a des gens aussi qui sont très centrés sur eux, qui ne sont pas dans la générosité, qui sont appelés, en suivant la vibration, à être un peu plus généreux. S'ajuster à l'esprit, c'est un équilibrage d'énergie en relation avec un suivi vibratoire de ce qu'il y a à faire la personne. Au-delà d'un comportement psychologique ou d'une attitude. Dans l'attitude psychologique, c'est soit que la personne est généreuse ou est égoïste, soit qu'elle pense à elle, soit qu'elle pense aux autres. Tandis que dans l'esprit, ces polarités-là n'existent pas. Dans la manière d'être, le modus operandi en suivant une vibration. S'ajuster à l'esprit, c'est d'aller au-delà de sa programmation planétaire, culturelle, sociale, familiale et astrologique. Quelqu'un, par exemple, du signe de la balance ou ascendant balance, en lien avec une programmation astrologique, va avoir tendance à vouloir plaire aux autres, chercher l'harmonie avec les gens. Mais si la personne cherche l'harmonie à tout prix avec les gens, même des gens qui sont des vampires pour elle, elle va se faire, dans le fond, abuser dans sa conscience, puis elle va se faire voler ses énergies vitales. Donc, c'est pas intelligent. Même chose pour le désir de justice associé à la balance, qui va évaluer le pour et le contre, dont l'un des archétypes, c'est le juge. Bon, mais si la personne cherche la justice à tout prix, puis elle ne suit pas la vibration, elle peut se mettre dans la merde. Parce que le désir de justice peut faire en sorte qu'elle se sacrifie, entre guillemets, pour le salut du collectif. Puis si elle fait ça, puis elle se ramasse dans une situation de jouer au sauveur par rapport à une collectivité qui n'en veut pas, bien, non seulement elle peut perdre son travail, elle peut perdre son revenu, puis le coût à payer, la facture, peut être très élevé versus le bénéfice qu'elle en retire ou la reconnaissance sociale qu'elle peut avoir dans un délire spirituel d'être reconnue comme étant un héros ou un sauveur. D'ailleurs, les gens qui, lors de la période dite de pandémie, ont voulu sauver, entre guillemets, le collectif par rapport à des mesures injustes de contrôle de la population, dans certains cas, ils se sont ramassés en situation problématique. Il y en a qui ont perdu leur travail, ils ont perdu ça a été problématique pour des gens qui sont membres d'ordre professionnel, ainsi de suite. Pourquoi? Ben parce qu'il y a un contre-coup. Si la personne cherche entre guillemets, à sauver un collectif malgré elle, elle se met dans la merde. Elle se met dans le pétrin. Fait que c'est sûr que une personne qui se conscientise doit être capable de censurer sa spiritualité ou son excès de spiritualité. L'une des raisons pour lesquelles je fais des enregistrements, puis vous allez voir que sur ma chaîne YouTube, il y en a beaucoup qui concernent la question de la déspiritualisation. C'est que moi, en tant que personne, j'aime déspiritualiser. Moi, en tant que personne, je suis au niveau de la programmation astrologique, Verseau, ascendant, balance. Donc, dans mon côté balance, j'ai un désir d'aider les autres. J'ai un désir de plaire aussi aux gens de mon entourage. Mes enregistrements que je fais sur Internet sont une façon de me réajuster dans certains cas par rapport à des choses que j'ai intégrées dans ma vie personnelle. Mais dans ma vie personnelle, que ce soit au niveau du travail, amical, familial, j'ai tendance à vouloir plaire aux autres ou être non confrontationnel, puis à chercher l'harmonie. Mais ça, il faut que je le voie. Puis au niveau de mon esprit, de ma conscience, ça me dit souvent intérieurement, ton comportement n'était pas ajusté. À tel moment, tu as perdu l'énergie. Telle personne t'a pas à passer autant de temps à l'écouter avec politesse. Ça sert à rien. Ça amène pas de changement. Tu sais, il y a des gens qui vont, dans le fond, écouter d'autres personnes, puis parler, dans l'espoir que la personne fasse des prises de conscience en parlant des choses à haute voix pour s'ajuster, mais c'est pas automatique. Ça peut être utile dans certains cas, la discussion, mais pas dans tous les cas. Dans certains cas, malheureusement, ce qui est plus utile, c'est que la personne connaisse un coup de pied dans le derrière de la vie, c'est-à-dire qu'elle connaisse des événements positionnels forts qui vont l'amener à vivre une déconstruction de l'ego. C'est ça le point. C'est à travers les chocs que souvent les gens apprennent et non pas dans la conversation diplomate, non violente, thérapeutique. Donc, quelqu'un qui est spirituel va trouver ça très lourd comme réalité. La réalité sur la Terre, moi, en tant qu'ego, quand je la réfléchis spirituellement, je la trouve abominable, je la trouve horrible. Parce que la Terre, c'est un lieu où on vit entouré de vampires à différents niveaux qui cherchent à nous exploiter. Puis ça fait partie de la capacité de l'individu de dire non à l'exploitation psychologique, psychique, énergétique, vibratoire que la personne peut vivre par rapport à des gens de l'environnement, que c'est là qu'elle peut réellement monter en autonomie, en puissance, en intelligence. Mais c'est pas facile. C'est pas facile, ça demande de l'affirmation de soi. Des gens qui sont ascendant balance ou du signe de la balance au niveau de l'astrologie, c'est un défi pour eux. D'autres signes ont d'autres défis en passant, là. Chaque signe est en relation avec des forces et des failles en lien avec une programmation. Prenons par exemple le signe du Verseau. Des gens qui peuvent avoir une conscience visionnaire, voir très loin qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir, mais ils n'ont pas le sens pratique. Ils sont pas assez terre à terre. Ils sont trop à la tête d'un nuage. Ils sont beaucoup dans les idéaux. Donc la personne est déconnectée à un certain niveau de qu'est-ce qui se passe dans le ici et maintenant. Puis la personne est dans l'étude de la futurologie, des développements techniques, intelligence artificielle, robotique. Mais si la personne voit trop loin en avant, elle peut se perdre là-dedans. Parce qu'elle va être déconnectée du moment présent. C'est bien que la personne soit en contact avec des idées d'avant-garde à un certain niveau. Mais si c'est trop loin, c'est pas ajusté. Ce qui me vient en tête, c'est au niveau de l'investissement. Au niveau de l'investissement, ce qui peut être bien dans l'optique de faire de l'argent, c'est de voir à peu près qu'est-ce qui va arriver en 3 mois puis un an à l'avance pour prendre des positions au niveau de la bourse par rapport à des choses qui vont monter, élever. Mais si la personne prend une position par rapport à une technologie 30 ans ou 40 ans à l'avance, son placement, il lèvera pas fort. Tu sais, c'est comme, par exemple, quelqu'un dans les années 2000, dans le fond, investi par rapport à l'informatique, alors que l'informatique est en essor, spécifiquement le développement de technologies en lien avec le web, ben, ça peut être payant. Mais si la personne cherche à investir dans les années 2000 par rapport à l'intelligence artificielle, ses développements, alors qu'on n'est pas là, c'est pas pertinent. Présentement, ben, c'est ça qui est à la mode. Mais de toute façon, il y a 50 ans, il n'y aurait pas eu d'opportunité nécessairement dans ce sens-là. Mais chaque chose en son temps. Tu sais, quelqu'un qui investit présentement pour par rapport à des entreprises en lien avec le développement de la robotique, ça peut avoir un certain essor. Mais il y a toujours un timing. C'est ça le point. Il y a des technologies d'avant-garde, mais qui vont se développer éventuellement par rapport à la masse. B, avant que ça génère du profit, ça se peut que ça prenne plusieurs dizaines ou vingtaines d'années. Fait que si la personne investit trop tôt, elle ne fera pas de l'argent. Mais si elle investit juste un peu avant que ça lève, oui, parce qu'elle va connaître la montée de son vivant, de la hausse de la valeur de l'actif qu'elle a acheté. Mais quelqu'un qui arrive trop tard aussi sur les marchés, c'est pas bon. Ben, cette personne va acheter au prix élevé, puis après ça, il peut avoir une correction lorsqu'une saturation du marché, puis le prix va descendre par rapport à l'action. Fait qu'il y a toujours une justesse à avoir. Puis la justesse, ben, c'est sûr qu'en lien avec la programmation, c'est la balance qui cherche à l'avoir, le juste équilibre. Mais en même temps, il y a une justesse aussi au niveau de l'esprit, mais c'est une justesse vibratoire qui peut être interceptée psychiquement. Donc la justesse dans l'action, dans la parole, Ben, c'est en lien, entre autres, avec le suivi des lois de l'énergie et de la vie, c'est-à-dire de l'évolution, c'est-à-dire de la conscience vibratoire qui peut être émergente au sein des individus qui amènent à agir. Moi, personnellement, dans certains cas, avec certaines personnes, ça me dit intérieurement d'être plus confrontationnel. Des fois, je ne l'ai pas fait. Des fois, ça me dit de ne pas parler à des gens. Des fois, je ne l'ai pas fait. Puis des fois, je l'ai regretté. J'ai parlé avec certaines personnes, j'ai perdu du temps, de l'énergie, puis après ça, ben, j'étais contrarié, puis ma petite voix intérieure m'a dit, mais ça m'avait dit intérieurement de ne pas le faire. Fait que c'est moi qui a pas écouté, qui n'a pas été discipliné. Dans certains cas, par contre, j'écoute. À un moment donné, il y avait quelqu'un qui m'avait contacté sur Internet dans l'optique de faire un enregistrement. Dans son message, je sentais que c'était une personne qui n'était pas ajustée. Je me sentais pas respecté non plus par elle dans son propos. Par la suite, je vois sur YouTube, je vois qu'elle a fait un enregistrement puis elle est totalement enragée. Puis en effet, ça a confirmé la perception que j'avais puis la pertinence de ne pas y accorder une entrevue. Fait que là, j'ai pas perdu mon énergie, puis j'étais content d'avoir suivi la vibration, mais c'est dur, c'est très dur. Prenons par exemple une personne qui est célibataire, ça fait plusieurs mois ou années. La personne a un certain niveau, si elle se réfléchit dans sa condition psychologique, le fait d'être seule, elle peut en souffrir, en maudit, surtout si elle est astralisée par rapport à ça. Fait que là, la personne va sur un site de rencontre, elle regarde des profils, puis il voit, ben c'est un homme, il voit des femmes, puis là, ça lui dit intérieurement, non, pas elle, pas elle, pas elle, pas elle, pas elle. Fait que là, la personne, elle devient un peu contrariée si ça lui dit intérieurement que, ben finalement, il n'y a pas personne qui va fitter dans eux autres par rapport à toi, puis si tu les contactes, tu te mets dans le pétrin parce que ça va être des gens qui vont vampiriser ton énergie, puis ça va pas cliquer. Fait que là, la personne est obligée d'admettre que finalement, c'est en couple ou pas avec une personne, en suivant les lois de l'esprit, c'est déterminé par l'esprit. Puis ça peut être déterminé par l'esprit pendant une période temporaire de sa vie. Là, c'est encore plus subtil, c'est encore plus écœurant pour l'ego qui aime s'attacher à une autre personne. Un ego qui va vouloir être en relation avec une autre personne, puis passer toute sa vie jusqu'au moment de sa mort. Puis ça a dit intérieurement que c'est intelligent qu'il soit en relation avec une personne, mais temporairement, c'est-tu qui peut être contrarié? Disons que ouais, c'est ça. C'est un ego qui se réfléchit par rapport à ce qu'il capte vibratoirement. C'est comme de dire, ben, dans la vie, il faut accepter qu'il y a des situations qui sont temporaires. Moi, en tant que personne, je peux avoir tendance à aimer prolonger des liens avec certaines personnes, alors que des fois, ça n'a plus lieu d'être. Des fois, ça, c'est un aspect que les gens doivent voir puis regarder. Quelque chose d'une utilité temporaire, c'est un petit peu comme un vêtement. À un moment donné, l'enfant est en croissance. Moi, j'ai une fille qui, naturellement, est âgée de 2 ans et 3 quarts, a grandi rapidement. Fait qu'à un moment donné, pendant un certain nombre de mois, un gilet va faire, un chandail. Puis après ça fait plus, puis c'est fini. La forme est temporaire. Mais les différentes formes liées à notre vie, que ce soit notre code bancaire, nos actions, si on investit à la bourse, ou même nos relations, ou notre travail, tout ça, c'est des formes temporaires. Pendant une certaine période de temps. L'intelligence, c'est quoi? C'est-tu la vibration de l'esprit pour savoir pendant quelle durée la forme est valide par rapport à des choses qu'on a intégrées à s'ajuster vibratoirement? Parce que pour l'esprit, chacune des formes ou des choses auxquelles on est en contact, c'est en lien avec des ajustements vibratoires ponctuels. Mais une fois que c'est fini, ben, il faut être capable de passer à autre chose. Et c'est très dur pour la personne qui, par exemple, peut avoir tendance à être dépendant affectif, s'attacher beaucoup à certaines personnes. C'est très dur pour quelqu'un qui cherche pas, qui n'aime pas déplaire, de briser des liens. C'est un défi. Encore là, la notion de défi n'est pas belle parce que c'est psychologique. C'est comme quelqu'un qui a quelque chose à se prouver à lui-même, tandis que dans la conscience, la personne qui a un mental froid, objectif, elle suit tout simplement la vibration, elle fait la lecture vibratoire. OK, la forme est finie par rapport à telle relation avec telle personne. La relation prend fin. Elle ne s'obstine pas, elle ne s'entête pas psychologiquement. Mais encore une fois, c'est quelque chose de pas évident. Des fois, la personne peut trouver ça difficile parce que ça peut lui dire d'aller vers une personne, puis la personne qui a un désir subjectif, en même temps, de ne pas perdre son temps, son énergie, doit réaliser qu'elle peut faire des mouvements qui, en apparence, sont des pertes d'énergie, mais en réalité, servent à faire des ajustements vibratoires profondément dans son être. Une personne qui pourrait être consciente qu'en allant vers une autre personne, la relation va juste durer entre 6 mois puis 1 an, mais ça lui dit de faire ça, elle suit la vibration. Quand la vibration de la forme de la relation est finie, elle met fin à la relation. Elle ne va pas chercher à s'éterniser avec la personne pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Mais c'est dur, très dur, pour la personne qui a tendance à s'attacher. D'autres personnes, c'est d'autres défis, d'autres, devrais-je dire, d'autres choses à faire en suivant la vibration. Les choses que les gens bloquent à intégrer en lien avec l'esprit, c'est souvent en lien avec des éléments à l'intérieur d'eux qui font interférence. Tant que la personne est pénétrée par l'astral et interférée par un fonctionnement psychologique qui lie, par exemple, à de la haute spiritualité, ça fait entrave à son épanouissement réel qui est en relation avec l'intégration de l'énergie créative de l'esprit. Si la personne s'attache à un travail aussi, c'est un piège. Toute forme d'attachement psychologique qui n'est pas en relation avec le suivi d'une vibration est un piège. S'attacher aussi à un rôle spirituel, c'est un piège. Ouais. Quelqu'un qui travaille comme intervenant dans le domaine de relations d'aide, il s'attache à ce rôle-là, c'est un piège. Quelqu'un qui s'attache au rôle de préposé aux bénéficiaires ou d'enseignant, puis se croire indispensable parce qu'il est capable de véhiculer, entre guillemets, une forme de sagesse à des jeunes, c'est un piège. La personne qui est consciente, elle arrête de croire, puis elle apprend à se savoir, ce qui n'est pas pareil. Mais là, des fois, je regarde les choses puis je dis, si la personne suit sa vibration, finalement, elle ne fera plus rien parce que l'essentiel des interactions qu'on a avec les gens, bien, c'est des gens qui sont astralisés ou les rôles sont temporaires ou les formes de relations, que ce soit le couple ou le travail, c'est temporaire. Puis là, la réponse, elle me dit non, pas nécessairement. La personne peut avoir composé avec des êtres astralisés pour amener une vibration plus au niveau de l'esprit, ça suit l'esprit qui cherche à un certain moment donné créer des chocs énergétiques par rapport à des gens. Puis la personne peut jouer le rôle de vecteur de choc énergétique si elle est mise en vibration réellement par rapport à ça. Moi, en tant qu'individu qui se réfléchit, est-ce que c'est un rôle qui m'intéresse? La réponse, c'est non. Est-ce que j'aime faire ça? La réponse, c'est non. Moi, sur le pilote automatique, je vais plutôt chercher en lien avec mon côté balance dans ma programmation au niveau de l'âme, au niveau de ma spiritualité, à ne pas déplaire aux gens, à être plutôt diplomate, à être conciliant. Souvent, j'ai joué le rôle de modérateur par rapport à des personnes. Ça peut être intelligent à un moment donné de le faire, mais être pris dans ce rôle-là, c'est un estime manque d'intelligence parce que ça empêche une libre circulation de l'énergie de l'esprit. Mais l'esprit, quand on s'ajuste à lui, on change. En fait, la mesure de l'intégration d'une vibration au sein de l'individu transformatrice au second niveau, c'est très simple. C'est lorsque la personne ne se reconnaît plus dans ses intérêts, dans ses activités, dans ses loisirs, qu'elle connaît une mutation. Moi, la personne qui vous parle, moi, quand j'étais plus jeune, je m'intéressais beaucoup au domaine artistique, la musique, la peinture. Puis j'ai été confronté à les réalités pratiques que, par exemple, quelqu'un qui fait de la peinture, j'ai rencontré des artistes peintres quand que j'étais plus jeune, que c'était pas vraiment rentable. Puis le domaine des arts non plus. Fait que finalement, au fil des ans, j'ai connu des chocs de vie, puis je me suis ramassé à m'intéresser à la bourse puis à l'investissement, ce qui est très loin là, d'un profil à caractère artistique. Quelqu'un qui m'aurait connu alors que j'avais 16 ou 18 ans, j'apprenais à jouer de la guitare, j'aimais faire du dessin, de la peinture, je m'intéressais pas du tout à la bourse. Pas du tout. Ça m'intéressait pas. Les choses ont changé. Il a fallu que je réalise que pour vivre dans un monde comme la Terre, qui est assujetti aux forces de la finance puis à l'exploitation, puis se protéger de l'exploitation financière, ben, c'est d'avoir des assises financières qui sont solides. Puis si on les a pas, ben, travailler d'arrache-pied pour les acquérir. Fait que là, il y a de l'intelligence à ça. Par contre, au niveau de l'esprit, quelqu'un qui s'attache trop psychologiquement à l'argent devient vulnérable à des attaques astrales. Quelqu'un qui est, par exemple, vit trop en fonction du désir de faire de l'argent, c'est pas bon. Mais quelqu'un qui vit trop en fonction du désir de pauvreté ou d'abnégation pour le salut de l'humanité, comme certains moines ou certains prêtres, c'est pas bon non plus. Toute attitude psychologique a ses limites, puis peut être une nuisance pour l'individu ou pour le collectif dans lequel il s'inscrit. Mais l'important, c'est d'être conscient de ça. Faut pas se faire chier par la vie. Faut se protéger de l'inconscience humaine. Plus la personne intègre l'intelligence de l'esprit, plus qu'elle réalise que, à quelque part, les gens sont chevauchés par des énergies à différents niveaux. Quelqu'un qui cherche à harmoniser les gens malgré eux, une conscience plus ajustée, c'est une perte de temps. Puis ça devient plus sec aussi par rapport à des personnes qui intègrent l'énergie de l'esprit. Ils sont plus à fleur de peau, sont plus dans la colère mentale. Là, des étalons du niveau d'intégration de l'énergie de l'esprit, c'est la capacité de l'individu de se mettre en colère puis être dans une affirmation vibratoire très puissante qui permet de déloger l'astral. Dans la colère mentale, il peut avoir un amour pour d'autres êtres humains ou un respect pour d'autres êtres humains, sauf que l'individu qui est confronté à la colère mentale qui vise à éliminer ou neutraliser l'activité subtile et souterraine des forces spirituelles dans sa psyché peut être très contrarié de ça, incommodé vibratoirement. Mais si elle intègre la vibration, elle va changer à un autre niveau, mais c'est dur, c'est très dur pour l'ego. C'est pas une partie de plaisir. Parce que c'est en relation que l'intégration du choc énergétique transformationnel à un second niveau. C'est pas de flatter la personne dans le sens du poil, puis dire qu'elle est belle, qu'elle est fine, qu'elle a plein de potentiel, alors que précisément en faisant ça, puis en masquant le réel de ses failles, on la maintient dans un état de médiocrité. Dans la conscience de l'esprit, il n'y a aucune volonté de surprotéger les autres ou de leur faire plaisir. C'est une conscience qui est froide, qui est incompréhensible par la personne qui n'est pas pénétrée par l'énergie de l'esprit, pour avoir une conscience vibratoire en croissance en son sein, qui se noyaute en elle. Elle est incompréhensible. Son comportement est incompréhensible, ses paroles sont incompréhensibles. C'est ainsi, c'est très dur. Vivre des impositions vibratoires dans sa vie que la personne n'a pas voulu, qu'elle n'a pas choisi psychologiquement, se réfléchissant, qui vont à l'encontre de sa programmation au niveau collectif, social, familial, astrologique, c'est très dur à vivre. Ça amène à vivre des deuils multiples. La réalité de la vie sur Terre, lorsque la personne la regarde en pleine face, est très dure. La Terre est comparable à un terrain de guerre où des forces oppositionnelles s'affrontent. Puis au fil du temps, bien, il y a de plus en plus de forces de l'esprit qui cherchent à neutraliser l'activité subtile et souterraine dans la psyché de personnes de l'astral. Puis il y a des confrontations énergétiques. Il y a des gens qui sont astralisés qui cherchent à résister à la pénétration de l'énergie de l'esprit, mais tôt ou tard, l'esprit étant créatif, à la différence de l'astral, étant réflectif et s'appuyant sur le mémoriel, va neutraliser cette activité. C'est juste une question de temps. Il y a des gens, naturellement, qui sont nés astralisés, qui vont mourir astralisés. Il y en a d'autres qui naissent astralisés, qui connaissent une forme d'évolution de conscience de les vivants en changeant de taux vibratoire, de statut psychique. Puis ils vont s'émanciper du contact avec certaines personnes, s'en libérer, et du contexte social aussi, ça dépend. Il y a des signes, naturellement, au niveau astrologique. Là, je pense beaucoup au signe de la balance. Moi, je suis ascendant en balance, encore une fois. Pourquoi que je parle de ça? Bien, la balance va chercher le contact avec autrui, puis elle n'aimera pas nécessairement la solitude. Tandis que dans l'esprit, il peut avoir de l'intelligence à certains moments donnés d'être seul, puis d'autres moments, elle est en interaction. Il n'y aura pas un désir de tout le temps être en contact avec des gens, ou de leur parler, ou de jouer au sauveur avec eux, pour des raisons d'affiliation spirituelle à une programmation. Non. Tout ça pour dire quoi? Ben, s'ajuster à l'esprit, c'est pas un travail de tout repos, puis c'est pas qui veut, mais qui peut. Ah, ça, c'est un drame psychologique pour beaucoup de personnes, parce que c'est pas un principe égalitariste. Ça va à l'encontre du principe qui disait, l'éducation, c'est pour tout le monde. Au niveau de l'esprit, l'éducation vibratoire qui amène des changements au second niveau, c'est pas pour tout le monde, ça le sera jamais. Quelqu'un qui entend ça dans un enregistrement pour la première fois, ça peut lui donner une crise de choc. Non, la conscience supramentale, c'est pas pour tout le monde, c'est pas en raison d'un élitisme psychologique pour des raisons de plutocratie, c'est-à-dire la personne qui a de l'argent qui va être au pouvoir puis elle fait partie d'une élite tout simplement parce qu'elle est riche. Non, c'est vraiment pas ça. C'est pas un élitiste réflectif de l'individu qui désire être aux commandes d'une société, il va avoir accès à des choses que les autres n'ont pas. C'est tout simplement l'exposition d'une personne à une vibration que d'autres n'ont pas conscience d'exister, qui va la transformer malgré elle. En réalité, je peux faire 36 000 enregistrements sur ma chaîne YouTube, mais le point, c'est que si la personne va être transformée par la vibration de l'esprit, elle va l'être. Puis c'est juste une question de temps. Elle peut résister pendant un mois, pendant deux ans, pendant 20 ans, un peu comme quelqu'un qui a à faire un sevrage de dépendance à l'alcool ou à l'Internet, ou à la bourse même. Parce que là, il y a des gens qui vont passer leur journée à regarder la valeur du Bitcoin, la valeur de l'or, la valeur des indices comme le Nasdaq 100, SP500. Moi-même, j'ai au niveau de mon intérêt, ou ce que je vous parle présent pour la bourse, être capable de mettre un frein et des limites. Parce que, par exemple, dans le domaine des crypto-monnaies, bien, le Bitcoin est transigé 24 heures sur 24. Fait que si je vais voir ça à tous les jours, plusieurs fois par jour, 7 jours sur 7, je ne me repose pas. Ce n'est pas intelligent. Donc, c'est épuisant. Ça me dit des fois intérieurement, tu devrais arrêter de mettre autant d'énergie que la bourse. Tu en as assez fait. Des fois, je n'écoute pas. Puis après ça, je dis, ouais, c'est vrai que j'aurais dû écouter parce que finalement, j'ai passé du temps à regarder ça puis j'ai rien à faire. Fait que des fois, il n'y a rien à faire aussi en lien avec la bourse. Dans le sens qu'il n'y a pas de transaction à faire. Il n'y a pas de trading à faire, donc on fait d'autres choses. C'est très dur de suivre la vibration. Parce qu'à un moment donné, ça peut nous amener à faire quelque chose, puis à un moment donné, d'y mettre fin. À un moment donné, ça peut nous amener à nous entraîner physiquement, puis à un moment donné, à arrêter. À un moment donné, ça peut nous amener à être en relation avec une personne, puis à un moment donné, à mettre fin à la relation avec la personne. Puis si la personne vibre trop au désir de faire quelque chose en étant sous influence astrale, que ce soit de faire de la bourse, faire de l'argent ou être en couple ou faire un emploi qui n'est pas ajusté à elle, tôt ou tard, elle va être obligée d'admettre et de réaliser en étant au minimum objectif dans le mental qui est en perte d'énergie. Donc, c'est ça. C'est ça qui a été dit là, à travers cet enregistrement. Mais chaque chose en son temps. La personne qui est ajustée par l'esprit malgré elle, puis elle réalise que les gens de son environnement ne le sont pas, il faut qu'elle contienne la situation, il faut qu'elle soit capable de l'assumer psychologiquement, puis d'accepter que chaque chose en son temps. Puis c'est pas elle qui tire les ficelles du réel, c'est l'esprit. En étant capable d'assumer ça, puis en s'occupant d'être ajusté dans son mental, au niveau relationnel, au niveau financier, au niveau de sa santé, ben, on en a fait pas mal dans sa vie. Bon, je vais arrêter l'enregistrement présentement. Et c'est sûr que s'il y en a parmi vous qui apprécient des enregistrements que je rends disponibles gratuitement au fil du temps au public, et qui, dans le fond, aimerait me faire parvenir une contribution financière via les services de paiement sécurisés que sont Interac et également PayPal, vous pouvez le faire. Donc, si vous bénéficiez de la vibration de mes propos, ben, vous êtes les bienvenus pour apporter votre soutien dans un esprit d'équilibrage énergétique. Donc, autrement dit, ça vous dit intérieurement que c'est intelligent de le faire. Donc, comme je le mentionne, les informations à ce sujet-là, c'est en bas de l'enregistrement. Et sinon, ben, je vous dis à bientôt. Au revoir.